Premier livre de Samuel, chapitre 7. Ceux donc de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, et la mirent dans la maison d'Abinadab au coteau, et ils consacrèrent Éléazar, son fils pour garder l'arche de l'Éternel. Or il arriva que depuis le jour que l'arche de l'Éternel fut posée à Kirjat Jéarim, il se passa un long temps, savoir 20 années, et toute la maison d'Israël soupira après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, en disant, « Si vous vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux des étrangers, et Astaroth, et rangez votre cœur à l'Éternel, et le servez lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Alors les enfants d'Israël ôtèrent les Baalins, et Astaroth, et ils servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent donc à Mitzpah, et ils y puisèrent de l'eau, qu'ils répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, et dirent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Or quand les Philistins eurent appris que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah, les gouverneurs des Philistins montèrent contre Israël, ce que les enfants d'Israël ayant appris, ils eurent peur des Philistins. Et les enfants d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. » Alors Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste, et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Il arriva donc comme Samuel offrait l'holocauste, que les Philistins s'approchèrent pour combattre contre Israël, mais l'Éternel fit gronder en ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Et ceux d'Israël sortirent de Mitzpah, et poursuivirent les Philistins, et les frappèrent jusqu'au-dessous de Betcar. Alors Samuel prit une pierre, et la mit entre Mitzpah et le rocher, et il appela le nom de ce lieu-là Ébénézé, et dit, « L'Éternel nous a secourus jusqu'en ce lieu-ci. » Et les Philistins furent abaissés, et ils ne vinrent plus depuis ce temps-là au pays d'Israël, et la main de l'Éternel fut sur les Philistins tout le temps de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël, retournèrent à Israël, depuis Écron, jusqu'à Gath, avec leurs confins. Samuel donc délivra Israël de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Et il allait tous les ans faire le tour à Bethel, et à Gilgal, et à Mitzpah, et il jugea Israël en tous ces lieux-là. Puis il s'en retournait à Rama, parce que sa maison n'était là, et il jugeait là Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel.